corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. De la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Gemozo. On se retrouve comme tous les 15 jours, mercredi, pour un nouveau numéro de Boomerang, 90 minutes pour Boomerang. Avec aujourd'hui en studio, Félicie. Bonjour à tout le monde. Le retour de Magali. Bonjour à tous, à toutes. On est content de te revoir, Magali. Oui, moi aussi. Avec oui. Une bonne mine. Oui. Segundino. Ami du jour, bonjour. Fidèle au poste. Oui. Marcus à la technique. Oui. Et Jean-Baptiste qui anime. Merci Félicie. Et bien sûr, on a une pensée, on fait un coucou à Dominique et Pascal. On pense bien à eux. Ouais. Voilà. Alors, on va ouvrir le bal. Vous connaissez le principe de l'émission depuis les années qu'elle existe sur les ondes de Radio Gemozo. Eh bien, effectivement, on parle de sujets, d'actualité ou pas d'ailleurs, qui sont assez variés. Ouais. On a des coups de gueule, des coups de cœur, mais enfin, tout ça quand même dans une bonne humeur. Alors, on va ouvrir le bal avec toi, Félicie, avec du cinéma. Je suis un peu désolée. Avec un film brésilien. J'ouvre le bal aujourd'hui. J'ai ouvert le bal la semaine dernière, mais c'est vrai que sans Dominique et Pascal, c'est un peu moins diversifié quand même. Mais ils sont avec nous en pensée à travers les ondes. Alors moi, je vais essayer de vous divertir, de vous parler d'un film que j'ai vu, je ne sais plus si c'était lundi soir ou dimanche soir. Il me semble que c'était lundi soir sur Arte. Ce film s'appelle Une seconde mère. Alors je ne sais pas trop, je crois qu'il ne faut pas mettre d'étiquette dessus parce qu'il y a de l'humour, il y a de la tendresse. Il y a des coups de gueule. Enfin, c'est un peu une comédie dramatique, humoristique. On peut lui attribuer ce genre-là, comédie dramatique. D'accord. Dramatique plutôt, oui, mais avec de l'humour quand même et beaucoup de comédie. Déjà une réaction de Segundino. C'est un film français ou... Non, brésilien. Brésilien. Ouais. Brésilien, on l'a bien précisé. Ouais. Oui. Oui. Qui est de quelle année? 2015. Donc très récent. Très récent, oui. Donc c'est une actualité, on parlait tout à l'heure. Une autre fois, je vous parlerai d'un film de 1924, mais bon, aujourd'hui, je suis sur 2015. Donc ça s'appelle Une seconde mère. Il a été présenté au Festival du film Sundance et à la Berlinale de 2015. Donc c'est un film d'une réalisatrice qui n'est peut-être pas forcément connue, mais qui fait des belles choses. C'est Anna Müllaert, M-U-Y-L-A-E-R-T. Donc il est sorti au Brésil en 2015 avec comme acteur et actrice dans le rôle principal Val, c'est Regina Casé, Jessica, sa fille Camilia Murdila, le jeune de la maison Flavinho, c'est Michael Joel Sass, et Barbara, la maîtresse de maison, c'est Karine Telles. Elle n'est pas trop jolie d'ailleurs, hein, c'est... enfin bref. Et oui, elle joue bien, donc... Bon, après, la beauté, c'est subjectif, voilà. À l'écran. Et Lourenço Mutarelli, qui joue le rôle de Carlos, le père de famille. Alors voilà, je vais vous amener tout sur le tapis. Alors, on a déjà un titre évocateur qui donne un peu un... on va dire un sens au synopsis, une seconde mère. Donc on imagine déjà que ça va se passer autour d'un lien, d'une famille. En fait, le titre, je crois que je l'ai écrit à la fin de ma chronique, il découle d'une relation entre deux personnages. Les autres sont tout à fait dans une autre relation. D'accord. Voilà, je vais vous expliquer. Pour les infos de base, je viendrai à développer après. Oui. Val est l'indispensable domestique d'une famille aisée de Sao Paulo. Logée et nourrie blanchie par ses employeurs, qui lui témoignent de l'affection. D'ailleurs, elle est quasiment devenue un membre de la famille, même si on ne manque jamais de la remettre à sa place. Donc déjà, ça veut tout dire. Elle élève Fabinho, le fils de la maison, comme son propre fils. Mais paradoxalement, elle délaisse sa fille Jessica, restée dans la région d'origine de Val. Jessica, plutôt bonne élève, s'apprête à rentrer à l'université et vient habiter quelque temps avec sa mère, Val. avec l'autorisation bien sûr de Barbara et Carlos, les maîtres de maison. Val, toujours dévoué à son travail, paraît sévère et servile à sa fille. En raison des années de séparation et de ce que je vais vous expliquer, un froid s'installe entre les deux femmes, donc entre Val et sa fille Jessica. Jessica cachera un lourd secret qui pourra changer la relation avec sa mère. Donc ça, c'est à la fin. Donc il y a trois dominantes dans une seconde mère. Il y a trois thématiques, en fait, il y a des thématiques à retenir. Tout d'abord, la thématique évidente de la lutte des classes. Alors, c'est le film parfait pour montrer que les riches familles accueillent des domestiques, qu'ils les traitent bien, mais qu'ils restent des domestiques. Oui, bon, après, c'est... Oui, c'est partout pareil. Oui. Mais surtout au Brésil, c'est difficile. C'est quand même... Donc, il y a quand même, au-delà de la lutte des classes, il y a un rapport hiérarchique entre ces deux niveaux sociaux différents. Exactement. Alors, par exemple, Jessica arrive, les maîtres de maison lui font découvrir la maison, dont la chambre d'amis, mais alors que cette chambre est inoccupée, ils ne lui proposent pas. Ils lui disent, tu vas dormir avec ta mère dans la chambre. Ils ne lui proposent pas la chambre d'amis. Et parce qu'ils n'ont pas le pouvoir non plus. Ils sont chez eux. S'ils voulaient, ils pourraient. Oui, mais ils ne sont pas forcément dans un accueil spontané. Ils font famille d'accueil pour un temps parce qu'elle est censée trouver un logement. Mais ça va se dégrader rapidement. Il y a des relations qui vont se dégrader. Alors la deuxième thématique. J'en ai encore dans la première. Ouais. Par exemple aussi... Pour l'anniversaire de Barbara, donc la maîtresse de maison, Val se ruine pour lui offrir un set de tasses, soucoupes, cuillères et thermos à café. Très moderne. Barbara, celle-ci, n'a qu'une réaction. Bien, mettez-la dans le placard avec les autres. Enfin voilà, on a tout compris. Elle se ruine pour acheter un thermos. Ça annonce la couleur, ouais. Voilà. Alors c'est donc sur cette thématique de la lutte des classes que le film se déroule. Mais il y a d'autres thématiques aussi. Par exemple, la deuxième thématique, celle du générationnel, est le deuxième point clé de cette histoire. Et heureusement, car cette thématique abordée va venir, non pas casser, mais bouleverser comment fonctionnent ces cadres de classe, en fait. La génération, elle va appeler la nouvelle génération, qui est en Jessica, la fille de la domestique, et en Flavigno, le fils du couple. Ils vont venir casser les codes, en fait. Donc ils vont se rapprocher. Ils vont se rapprocher. Alors qu'ils ne sont pas du même milieu. Voilà, ils sympathisent et ils cassent les codes. Et ils. Comment il a dit, monsieur, sur Arte ? Ils cassent les codes et en fait, ils cassent les codes. Cette thématique abordée va venir non pas casser, mais bouleverser cet ordre des classes, quoi. Parce qu'il y a une génération. Qui est ouverte à. On va le reprocher, non ? Je veux dire, des gens extérieurs de la même classe vont leur reprocher la relation qu'ils ont avec leur domestique. En fait, la seule personne à reprocher quelque chose, c'est Val elle-même, la domestique. Elle est furieuse que sa fille. Parce qu'elle, elle est encore dans cette tradition du rapport hiérarchique et du fait qu'ils sont, sont au service de cette famille-là. Oui, tu parles de tradition, Jean-Baptiste, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'ils vont mettre à profit ce que la tradition a totalement. Oui, ils vont passer outre, ils vont transgresser ce rapport hiérarchique qu'il y a par tradition et de aussi évidemment différence de classe puisque c'est des domestiques qui travaillent pour une famille bourgeoise dans une grande maison. Oui, ils jettent les codes et ils jettent tout ce qu'il y a de totalitaire dans une relation. C'est très bien. Mais oui. On va pas dire le contraire. C'est justement aussi pour ça que le film a été fait. Mais peut-être pas par acquis de conscience, c'est-à-dire peut-être aussi parce qu'ils sont une génération plus jeune et que pour eux, finalement, ces rapports, ça n'a plus lieu d'être d'une manière spontanée. Tout à fait. Tout à fait. Eux, c'est naturel, quoi. Ils sympathisent, c'est naturel. Pour eux, tout est naturel, hein. Il y a pas de... Ils ont à peu près le même âge, la fille et le garçon. Oui. Et ils sont ados, presque adultes. D'accord. Elle veut faire une fac d'archi à Sao Paulo. Lui, il va aller finir par faire des études en Australie. Mais je veux dire, c'est la plus furieuse, en fait, c'est Val, la domestique, la mère de Jessica, qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la piscine des patrons, quoi? Et oui, mais parce que moi, j'ai déjà vu des films un peu sur cette thématique ou des reportages aussi sur des familles bourgeoises qui fonctionnent un peu encore à l'ancienne de nos jours. Mais il peut aussi, ce qu'on pourrait peut-être dans Boomerang, c'est élargir le débat par rapport à cette lutte qu'on évoque à travers le film, c'est qu'il y a aussi des familles bourgeoises aujourd'hui qui sont dans un immense respect de leurs domestiques et ils les considèrent comme de la famille parce que ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils servent la maison, donc ils ont vu les enfants, les petits-enfants et donc ils font partie du mouvement de la famille en fait. Oui. Même s'il y a toujours un rapport effectivement hiérarchique entre eux puisqu'ils travaillent au service d'eux, la famille noble, bourgeoise, les considère quand même comme faisant partie... C'est exactement ce qui... De se la passe famille dans ce film. C'est exactement ce qui se passe aussi, mais il faut voir. Val est furieuse, elle lui dit a-t-on vu ça, une fille de domestique nager dans la piscine des patrons? Alors que lui, Favigno, il s'en fout, quoi. C'est la fille de la domestique, mais c'est une fille comme les autres, quoi, pour lui. Vous avez une première réaction, peut-être, Magali? Ah, je suis d'accord avec toi. Et au thème? Je suis d'accord avec toi, parce que je dis les domestiques, ils sont là. Ils sont là pour servir les gens, mais il ne faut pas non plus les prendre pour des chiens non plus. Bah voilà, c'est ça. Hein. Moi, je pense qu'il y a des familles bourgeoises qui respectent tout à fait leurs employés. Mmh. Et du fait que les employés connaissent le fonctionnement de la maison, voient la famille évoluer, sont là au service au quotidien dans toutes les disciplines, que ce soit bien pour le ménage, la cuisine, quand il y a des réceptions, dresser la table, préparer les dîners ou les déjeuners, ou même les petits déjeuners. Mmh. Ils ont un rôle quand même déterminant dans la vie quotidienne. Viennent de ces familles bourgeoises et avec le temps, un lien se crée quand même malgré le rapport hiérarchique. Après, il y a toujours des marâtres, il y a toujours des gens exécrables qui font pression parce qu'ils ont de l'argent et qui considèrent leurs domestiques comme des, des chiens. Cette histoire dans la piscine, pour Fabino, le fils de la maison, il n'y a rien d'anormal à ça. Effectivement, n'est si outrageant. C'est pas grave, les jeunes s'amusent. Ouais. Et toi, Segundino, qu'est-ce que tu aurais comme, qu'est-ce que t'as comme opinion? Quel est ton point de vue? Je voulais connaître les origines de Val et de sa fille. C'est des gens qui viennent des favelas ou c'est des gens qui... Oui, parce que ça se passe au Brésil. C'est bien de le préciser, Segundino. Du nord-est du Brésil. Elle est on est dans quelle localité? On est sur Rio? Sao Paulo. Sao Paulo, d'accord, ok. Sao Paulo, oui. Ben, c'est pareil. Hein. C'est pareil, là-bas, c'est pareil que Rio de Janeiro. Encore plus violente que Rio de Janeiro. Moi, je suis entendu à la télé. Hein. Oui, c'est vrai que quand on voit Rio de Janeiro, il y a toute la plage de Copacabana, donc toute cette baie avec ses immeubles, cette richesse opulente. Mmh. Et puis derrière, sur les collines, il y a les favelas qui sont quand même extrêmement étendues, où il y a du commerce de trafic d'organes, où il y a de la prostitution, où il y a de la pauvreté, de la misère et tout ça. Et il y a des trafics divers et variés qui sont horribles. C'est dans toute l'Amérique du Sud qu'il y a du commerce de trafic d'organes. Mmh. Et il y a un contraste même architectural entre les deux mondes qui est terrible. Mais j'avais vu, enfin je sors de ma chronique, mais j'avais vu... Mais on peut, hein, c'est le principe de l'émission. J'avais vu un reportage sur les favelas. Il y avait une couturière française de renom, une marque qui était allée dans les favelas pour faire coudre des jeunes filles. Oui, encore ça, c'est un exemple soft. Oui. Il y a des choses bien plus, on va dire, entre guillemets, qui sont, à la limite, nous, on a un regard d'occidentaux, on se place à travers, puisqu'on est français, et on se dit, ces gens-là, peut-être que de vendre un organe, pour eux, ça leur amène de l'argent, donc ça leur amène une liberté aussi. Mais pour nous, c'est scandaleux parce qu'on n'est pas dans cette situation-là, on n'est pas dans ce rapport-là non plus. Bien sûr. Quand t'es, là-bas, peut-être que pour eux, ils le savent au fond d'eux humainement que c'est dramatique parce qu'on a tous des émotions. Mais pour eux, c'est une manière aussi de sauver leur peau en vendant un organe ou en abandonnant un enfant pour qu'il ait une chance d'être peut-être adopté par une famille occidentale et d'avoir une chance d'avoir une vie. épanouis, parce que la pauvreté, c'est ça, quoi. C'est quand ils sont pas la vraie pauvreté, je parle, la misère. Pour ce qui est de la vente des organes, c'est quand ils ne sont pas raptés, des fois. Oui. Après, ils sont raptés. Oui. Hein. Ils sont enlevés, et puis ici, après, on les remet dans la circulation. Recousu. Mais moi, je sais qu'il y a des touristes opérateurs brésiliens peu scrupuleux qui programment dans la visite de Rio les favelas comme un site touristique à visiter. Et donc, il y a un circuit qui est prévu à travers les favelas pour montrer la pauvreté, les gens, comment ils vivent dans ces petites cabanes agrippées à la colline. Moi, j'ai vu des reportages. C'est absolument... J'ai vu des reportages, mais j'en ai vu un en vrai de favela. C'était pas un guide qui m'avait amené. J'y suis allée toute seule à 2h du matin. Mmh. C'était à Barcelone. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a un gars qui m'a demandé du feu. Oh, je me suis dit, purée, il faut que je lui donne du feu, mais après, il faut que je m'en aille. J'ai senti un danger quand même. Après, c'est une, entre guillemets, une micro-société, les favelas. Oui, hein, c'est complètement indépendant de la partie de la ville, du Christ, du pain de sucre, de toute cette zone touristique et carte postale qui fait partie aussi du charme de Rio. De Rio, Et puis, il y a ce culte de la beauté aussi chez les femmes qui est le seul moyen pour elles de s'en sortir. C'est vrai. Là-bas, c'est ceux qui cultivent les miss, les plus belles miss. Mm. C'est eux qui exploitent le plus la chirurgie esthétique. Oui. Autant la Colombie, je crois la Colombie que non le Venezuela que le Brésil. Peut-être plus le Venezuela d'aujourd'hui. Il y a du tourisme médical, d'ailleurs, par rapport à ça. Hein. Ils ont les meilleurs chirurgiens, hein, les esthétiques. Il y a du tourisme médical, parce que c'est moins cher, parce que les techniques sont plus avancées, sont pratiquées d'une manière plus simple, avec moins de suivi. Parce que c'est vrai qu'en France, pour de la chirurgie esthétique, il y a quand même au départ tout un protocole de rencontres, de suivi psychologique. Ça coûte extrêmement cher. Et là-bas, il y a des techniques. Mais même, je dirais, puisque tu évoques la chirurgie esthétique au Brésil, pour les personnes transgenres qui veulent être opérées, c'est plus facile aujourd'hui d'aller dans des pays comme ça qu'en France ou même en Europe. Quoi. Même pour la maîtrise des techniques. Hein. Le premier hôpital au monde pour transsexuels, c'était au Portugal. Oui. Mmh. Et ensuite, c'est passé au Brésil. Enfin, au Brésil aussi. Ils sont très forts au niveau technique, au niveau avancé aussi. Il faut aussi le reconnaître aussi. C'est vrai que nous, on a toujours un temps de retard parce qu'il y a toujours cette éthique, le côté éthique des choses qui est très lourd en France, qui est très lourd dans nos pays. Et là-bas, ils se posent un peu moins de questions. Mais bon, après, c'est un risque aussi hein, quand on va se faire opérer comme ça. Je ne sais pas si je sors du sujet, mais... Non, mais on peut faire évoluer le débat. Quand tu parles qu'il est difficile ici d'en parler, qu'il y a du tabou... Encore. Il est vrai que moi j'ai entendu à la télé la question était posée, quel était les pays les plus libres d'expression dans le monde. La France arrivait très loin, très loin, une vingtaine ou trente. Tolérante. Disons, comme on est dans une époque de médias et de médias avec Internet, et puis il y a beaucoup d'émissions en télévision, il y a beaucoup maintenant de blogs, de reportages sur YouTube ou sur d'autres opérateurs auxquels on peut accéder facilement sur tous les sujets un peu tabous, dits tabous de nos sociétés. Mais c'est pas pour ça, après, que la mentalité générale des gens avance pour autant. Mais je pense que plus on est informé et plus on est au courant de certaines choses, ça fait reculer la peur, parce que la peur, elle vient de la non-connaissance. Donc du coup, ça fait quand même avancer les mœurs, mais il y a toujours un décalage, je trouve. Jean-Baptiste, c'est pour ça que je vous présente ce film aussi. Oui, parce que là, il traite du sujet du rapport, justement, de lutte de classe. Parce que ce film, il montre, j'ai vu dans des critiques, c'est écrit qu'il montre que c'est encore loin, le changement. Que ça va être long. Il y a toujours un décalage, je pense, entre la prise de conscience d'une société sur des choses. Moi, je dis il y a 20-25 ans, vraiment, pour qu'on voit les effets, vraiment, que ce soit pour l'homosexualité, que ce soit pour... La peine de mort, l'avortement. Pour la peine de mort, pour l'avortement, pour l'euthanasie, tout ça, on voit que c'est encore extrêmement compliqué pour la France, parce que ça touche à l'éthique. Ça confronte, en tout cas, je dirais, le côté juridique avec l'émotionnel, et ce sont deux choses qui cohabitent habite très mal, parce qu'on est obligé de faire des lois et donc de légiférer quelque chose qui est de l'ordre de l'humain et qui est de l'ordre du cas unique à chaque personne. Et voilà, où pour l'euthanasie, voilà à quel moment on peut décider qu'une personne n'a plus envie de vivre. Est-ce qu'elle est en totale légitimité quand elle est en souffrance? Est-ce qu'elle est lucide et tout ça? On ne sait pas. Et bien après, il y a tout le côté aussi religieux qui vient se greffer. Tous ces sujets-là sont compliqués à traiter. Il y a ce marasme fasciste qui gagne... Populo, on va dire. Qui gagne... Populo, extrême droite, tout ça. Qui gagne l'Europe depuis un bon moment. Oui, complètement. Qui a rejoint les États-Unis. Mais là-bas, c'est vrai. Plus ou moins... l'un ou l'autre. Hein. Bah, ils créent leur idéologie sur la peur. Sur la peur. Oui, mais ils ont une influence énorme. Complètement, bah, on le voit en France. Regarde, au Brésil, on en parlait tout à l'heure hors émission avec Félicie, je disais, c'est un fasciste en ce moment qui est, comment dire, favori des élections au Brésil. Il s'entend très bien avec des mecs comme Trump. On peut faire le rapprochement, donc, tout à fait. Le premier ministre, non, le président. Ils sont en pleine élection. Oui. Je ne sais pas si elles sont terminées, les élections. Peut-être elles sont terminées, je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles. Ah d'accord, j'ai compris. Ils sont en pleine élection. Ouais. Et puis le favori de gauche, la gauche, elle est complètement... De toute façon, la politique de Trump est très radicale, elle est très droite, très... Voilà, bon, après, que Marine Le Pen se reconnaisse ou pas en lui, il y a quand même des similitudes qui sont énormes. Après, elle n'a jamais été au pouvoir, hein, attention, elle est populo et tout ça, mais elle n'a jamais, heureusement ou pas, on n'en sait rien. Très il y a quand même 11 millions de gens qui ont voté pour elle, donc il y a quand même une vague de populo, quoi, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est très populo. Et c'est inquiétant quand même, parce que de toute façon, après, on crée quand même des idéologies politiques sur la peur. Sur la peur, et on accentue les choses, et on se dit être en opposition aux autres politiques. C'est comme ça que le fonds de commerce fonctionne, parce que les gens en ont marre de la gauche, de la droite depuis des années, parce que on est dans une société ultra-libérale, où le capitalisme est roi, et puis on est en train de faire disparaître la couche moyenne, la classe moyenne, puisqu'on parle de classe. Il y a des fossés qui se creusent entre les riches et puis les pauvres, de plus en plus énormes, et forcément, à un moment donné, on va en arriver aux armes. Personnellement, moi... Parce qu'il y a un moment donné, c'est une histoire de survie de la race humaine. Et on n'en est encore pas là, mais ça vient petit à petit. Moi, je ne suis pas forcément optimiste. Personnellement, moi, entre choisir une classe, pour moi, pauvre, moyenne ou riche, je crois que je choisirais moyenne. Oui, parce mais que... elle tend à disparaître, cette classe-là, parce que la politique ultralibéraliste la compresse. C'est dommage, parce que les riches, ils croient pouvoir tout acheter, ils ne sont pas heureux. Les pauvres, ils sont vraiment pas heureux parce qu'ils peuvent rien acheter. Après, moi, je dénigre pas les riches, parce que les riches, ils profitent du boursicotage, de la bourse, de la spéculation. Il y en a qui travaillent fort. C'est le principe du capitalisme, capitaliser. On capitalise. Il y en a qui le méritent parce qu'ils ont... Magali. Je dis les riches, il y en a qui le méritent parce qu'ils ont travaillé toute leur vie pour avoir leurs sous, mais il y en a, ils n'ont rien fait, ils sont riches parce que les parents sont riches, ils ont un bel héritage, ils en profitent. Mais ce que tu oublies de dire, je suis d'accord avec toi, Magali, mais ce que tu oublies de dire, c'est qu'il y a aussi ceux qui spéculent. Oui, voilà. Et l'argent attire l'argent, c'est-à-dire que tu as un peu d'argent dont tu boursicotes, tu achètes des actions, machin, et ainsi de suite. Ou alors tu es PDG, tu licencies, mais tu prends des dividendes au passage, mais tu licencies pour avoir main de charge en disant donc tu délocalises, tu fais des succursales à l'étranger parce que la politique ultralibérale le permet, et puis c'est ça l'ultralibéralisme, c'est ouvrir le marché à l'étranger et ainsi de suite à la concurrence. Et c'est là-dessus que Marine Le Pen utilise son fonds de commerce d'idéologie politique pour justement ramener tout sur le pays de France. Une France des années Louis de Funès, quoi, où avec les petits bars, où il y aurait des frontières, où on aurait notre franc et tout ça. Le problème, c'est que dans les années 60, la France, elle n'était pas dans un monde comme ça. Veuille remettre une France comme il y a 50 ans, je veux bien, mais le monde, lui, il a évolué, et là, elle ne pourra pas. Je sais pas comment donc elle était c'est là où ça ans. Commence à être un peu compliqué, quoi, quand on va sur le fond des choses, quoi. Et c'est là où elle ne tient pas la route dans les débats. Au niveau économique, au niveau tout ça, elle est nulle. Elle est complètement nulle. Elle est complètement nulle. Elle n'a aucune connaissance. On va revenir au franc. Servir un ballon de rosé dans une étable. Je vous propose une première pause musicale. J'ai pas fini ma chronique. Alors, très rapidement, puis on continuera après sur le film. Alors, donc Val frustre toujours sa fille de sa condition.

Le grand Charles Aznavour sur les ondes de Radio Gémozo avec ce titre de chanson magnifique, La Bohème, la plus connue de son répertoire, on peut dire. Alors on est dans Boomerang en direct, 90 minutes pour Boomerang, avec Félicie Magali Segondino aujourd'hui et Marcus à la technique et moi-même Jean-Baptiste pour vous présenter cette émission qui y a tous les 15 jours. Alors j'aimerais avoir un petit tour de table puisqu'on évoque le Charles Aznavour par cette chanson-là. Qu'évoque pour vous Charles Aznavour, alors moi, Félicie? Faut que je parle, là je le sens trop bien. En fait, j'aime tout Aznavour, enfin, je trouve qu'il a des merveilleuses chansons, mais celle-là, elle reste ma préférée, parce que d'une part, c'est une valse, et d'autre part, bon, il a vécu ça dans sa génération, il dit que les lilas sont morts et tout, mais... On te sent ému dans la voix. Oui. Hein. Ouais, sa génération, tout ce qu'il a vécu, là, on a 20 ans, on mange tout un jour sur deux. Moi, je l'ai vécu dans ma génération de mes 20 ans, en tant que rêveuse partie. Donc, tu te reconnais dans cette chanson. Voilà. Et quand il dit... c'est là qu'on s'est rencontrés dans un humble garni, toi, moi qui criais famine et toi qui posais nu... c'est un peu mon histoire aussi. J'ai connu mon voisin, un musicien. Un jour, j'ouvre la fenêtre et je tombe sur lui. Et s'il m'entend, je lui fais un hommage. Mais c'est vraiment une chanson qui te parle, en tout cas, de son répertoire. J'ai l'impression que ce que j'ai vécu, en fait, lui, il l'a vécu dans sa génération à lui. Mais c'est vrai. Et ouais. Et c'est trop beau. Et quand il dit, ça ne veut plus rien dire du tout. Moi, je dis, j'espère. Que les futures générations sauront ce que ça veut dire aussi. C'est Gondino peut-être sur moi, Charles Aznavour en général aussi. Pour moi, vu ce que j'en ai vu de reportages, de même de toi personnellement, ce que par rapport dans ta vie, ouais, de témoignages, c'est un grand personnage. Il décrit bien les choses. Il décrit bien la jeunesse qu'il a vécu comme très la bon observateur. Qu'on l'a vécu, beaucoup d'entre nous ont vécu. Il est pas, il se cache pas devant il se met pas un masque de une couronne de roi sur la tête des modestes. Ah, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'était un homme vraiment tolérant. Il est modeste. Très tolérant et modeste. Très tolérant, très ouvert d'esprit, très modeste. Oui, tolérant. Il est toujours. Il y a des gens qui arrivent à être modestes sur. Comme une préméditation de l'acte qui va suivre. Ouais. Et lui, c'est tout naturellement qu'il est modeste. Ouais. C'est une différence entre lui et beaucoup de gens qu'on dit modeste. C'est pas comme. Il a été terriblement critiqué au départ de, on va dire entre guillemets, de sa carrière. Et puis lui était complexé, petit, son nez. Oui, c'est vrai que c'est la rencontre avec Édith Piaf qui l'a vraiment catapulté. Mais lui, c'est vrai qu'il était effectivement une modestie. Mais déjà tout petit, il était artiste. Hein, quand on voit son parcours, il avait déjà comme ça une âme d'artiste. Après, évidemment, il n'imaginait pas qu'il allait vivre aussi longtemps et puis qu'il aurait cette carrière ensuite qui s'ouvrirait. Il a quand même vendu près de 200 millions d'albums. Enfin, ça veut rien dire. Mais c'est quand même quelqu'un qui a chanté en 7-8 langues, voilà, qui avait une carrière internationale. Là, il revenait d'une tournée au Japon. Mais moi, ce que je retiens aussi de lui, en dehors de ses chansons, de son répertoire magnifique, parce qu'il y a 1400 chansons magnifiques, mais dans ses chansons, il chantait la tolérance. Quand il chante la chanson sur l'homosexualité au début des années 70, où il vit tout seul dans un appartement avec sa mère, quand tu écoutes le texte, c'est magnifique, et c'était il y a 45 ans, à une époque où l'homosexualité n'était pas dépénalisée, où elle était encore considérée comme une maladie dans la liste des maladies. Lui, il avait le courage de chanter une chanson comme ça, qui a d'ailleurs eu un succès en plus. Donc c'était quelqu'un de très visionnaire, de très tolérant par rapport à sa génération. Et les dernières interviews qu'il donnait, on voyait encore que c'était un petit bonhomme, mais qui était immensément grand par l'âme, mais aussi qui était très humble. Peut-être une réaction de Magali aussi. Moi, je dis toujours à ma mère, chaque fois je voyais Charles Aznavour, parce que je n'ai pas connu mon grand-père, mais il lui ressemblait. Ah, donc tu vois, il y a toujours un lien. Oui. Chaque fois je vois les photos, je dis toujours, oh, Charles Aznavour, c'était papy. Mais je ne l'ai pas connu, parce qu'il est mort, en 77. Tu as vu des photos et tu as toujours fait le... J'ai toujours eu... Bon, ce n'était pas un de mes chanteurs préférés, mais ce que j'admirais beaucoup, c'est les chanter jusqu'à 74 ans. Ouais. pas de retraite. 94 ans. Il aurait pu dire à un moment, à 75 ans, j'arrête de chanter. Il voulait atteindre 100 ans, d'ailleurs, avec sa sœur. Oui, effectivement, ils avaient fait le pari. Mmh. Et je voulais te dire un truc, tu parlais tout à l'heure de complexe, quand il était jeune. C'est lui qui le disait. Hein. Oui, oui. Mmh. Mais en fait, ça se traduit bien dans le film qui est passé il y a deux jours, tiré sur le pianiste. Oui. C'est une espèce de biographie, en fait, c'est un enfant prodige, comme lui. Quand il a 8-9 ans, c'est un enfant prodige et il va être mis en pension par rapport à ses deux frères et ses deux frères vont devenir truands. Et lui, il va rester dans le piano, alors plus ou moins, il va être plus ou moins reconnu, ça va dépendre de sa femme. Après, il va rompre, donc il va se retrouver dans le bar où il jouait, où il a commencé. Enfin, c'est un peu une vie de bohème, comme la chanson. Exactement, mais j'ai trouvé que ce film, il parlait bien de lui quand même. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas qu'interprète, il est auteur aussi. Il est auteur. Donc, il a écrit bon nombre de ses chansons. Et c'est vrai que, quelque part, quand on écoute ses chansons, ses textes, on sait qui il est. On sait quel genre d'homme c'est. Et, oui. Et, ouais. Enfin, voilà. Il a écrit aussi pour des artistes. Ah ben, bien sûr. Hein. Oui, parce qu'il donnait beaucoup sa chance à d'autres aussi. Il l'a toujours fait. Un peu au même titre. Bon, Lynn Renault, c'est une carrière complètement différente, mais c'est la même génération. Oui. Parce qu'elle a fêté ses 90 ans cette année. Mais c'est cette génération d'artistes qui étaient pauvres et qui ont réussi dans la générosité et qui ont toujours eu leur succès par rapport au fait d'être tournés vers les autres et pas d'être auto-centrés. Et de faire de très belles carrières, entre guillemets, sur la durée et variées, et qui ont traversé aussi les époques. Parce que, sans faire de parallèle avec Lynn Renault, ça fait 70 ans, je veux dire. Elle a eu trois périodes de carrière aussi. Oui. Et elle a traversé les modes aussi, parce qu'il y a cette capacité de se renouveler, d'aller vers la jeunesse, d'avoir cette ouverture d'esprit avec les jeunes artistes jusqu'à maintenant, et qui fait qu'à chaque fois, elle s'insère dans des projets, parce qu'elle a cette ouverture d'esprit. Et lui était pareil aussi. Ouais. Après, lui, il a aussi fait 80 films. Il a été acteur aussi, Charles Aznavour. Hein. Oui. Donc, alors ça, on l'oublie un peu, mais il a compté quand même dans des chefs-d'œuvre. Hein. Mais moi, il y a juste quelque chose qui me mettait mal à l'aise chez Aznavour, c'est que j'avais l'impression que c'était un séducteur, qu'il était... Bah, il a chanté de toute façon, ce côté-là, il a chanté l'amour aussi beaucoup. Il a tourné des films, hein. Dans ses films, on choisit pour un film, généralement, des gens qui séduisent. Qui absorbent la lumière que la caméra voit. Qui ont une âme. Bien sûr. Donc ça colle un peu avec le personnage que tu dis, mais ça n'enlève pas sa modestie. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Je vois ce que tu veux dire quand tu dis le côté séducteur, mais moi, le côté séducteur, ça aurait été plus, sans faire de comparaison, Sacha Distel, par exemple. Il n'en est pas orgueilleux. Il a été plus dans une période de sa carrière, Sacha Distel, dans un peu un chanteur séducteur. Non, parce qu'il touchait à toutes les générations, mais plus dans l'attachement, ce qui dégageait quelque chose de solaire. Mais attends, Jean-Baptiste, je ne parle pas de l'artiste, de la séduction de l'artiste. Ah, tu parles de l'homme. Je parle de la séduction de l'homme. L'homme était séducteur et c'est vrai que quand je vois ça, ça me met pas mal à l'aise. Qu'est-ce que tu appelles l'homme séducteur? Quand il chante avec Lara Fabian ou... je sais qu'il y a des complicités de chansons et tout, mais des fois, il y a un côté qui me met mal à l'aise. Alors évidemment, je ne vais pas... C'est peut-être ta projection fais, parce que moi, je n'ai pas ressenti ça. C'est pas insupportable, hein. C'est galant, c'est quand même... je veux dire, il est poli et tout. Bon, des duos, ça a toujours existé, de toute façon. Non, mais même quand, je sais pas, il y a un truc... Je pense que c'est plutôt eux qui l'invitent pour avoir un invité de marque à côté d'eux et être vu. Ils connaissent. Non, mais je parle pas de l'artiste, hein. Je parle de l'homme. Oui, mais l'homme, on l'a pas connu autour de cette table. On n'était pas dans sa vie privée. Je pense qu'il a dû faire souffrir des femmes. Oui, après ça, c'est peut-être. Ouais, on n'en sait rien. C'est ton interprétation. Ça n'engage que toi. Il a quand même été marié 3 fois. Oui. Qui n'a pas été marié 3 fois sans être un artiste. Mandela est voilà. Non, mais voilà. Bon, à partir du moment, Magali, où tu es connue, tu es un artiste, tu fais rêver. C'est comme Claude François qui a eu ses fans qui venaient presque. Il a couché avec certaines. Donc voilà, parce qu'il faisait rêver, parce qu'il y a le. On ne sait pas si on t'aime parce que t'es chanteur et que t'es connu et que t'es un chanteur à minette ou si c'est parce que t'es Claude François ou que t'es Charles Aznavour. Voilà. Il y a aussi ça. Mais ça existe aussi pour Monsieur et Madame Tout le Monde, je veux dire. Voilà, Mandela était un grand personnage, il a eu plusieurs femmes. Bah, exactement. Voilà. Ouais, il est aussi d'une certaine manière, comme dit Félicie, peut-être séducteur. Parce qu'il a un aura, un aura comme ça, il magnétise par sa personnalité. Donc ça peut générer un charme et exercer un charme sur des femmes ou des hommes, peu importe. Je reconnais qu'il avait du charme. Hein. Mais après, il a eu des enfants. Il y en a un qui est décédé à l'âge de 25 ans, il y a déjà très longtemps et tout ça. Il a une vie romanesque par son parcours, surtout quand tu vis autant d'années. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est qu'il y a quand même un patrimoine musical de chansons extraordinaire. Pour moi, il fait partie de la musique, de l'histoire de la musique. Il renie pas ses origines arméniennes. Complètement. D'ailleurs, aux Invalides, il y avait le Premier ministre et le président arménien. Il devait même partir là-bas. Oui, là, il revenait d'une tournée du Japon, il devait repartir là-bas. Enfin, il était vraiment parti pour aller jusqu'à plus de 100 ans. Hein. Oui. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est le destin. Et moi, je ne sais pas comment il est mort. Il a eu une crise cardiaque, c'est ça? Oui, bon, c'est secondaire, on va dire. Il est mort subitement, de toute façon. Il voulait faire une autopsie, et puis... Il y a eu une autopsie. Qui a été pratiquée. J'ai entendu des compensations pulmonaires, et d'autres, une crise cardiaque dans sa baignoire. C'est des tabloïdes de Voici et Gala. Il avait quand même 74. Il avait quand même 94. T'as du mal. 94 ans. Vous parlez de qui? J'ai pas suivi. Pardon. Vous parlez de qui? J'ai pas suivi. De Charles Aznavour, toujours. Ah, il est décédé. Oui. Ah, mais je savais pas, moi. Bah, c'est pour ça qu'on l'évoque. Segundino atterrit sur la piste de Radio Gemozo. Il est mort il y a une semaine. Il est mort pas lundi, si lundi dernier. Il a évoqué à la télé. Voilà. Il y a eu son enterrement retransmis à la télé. Disons, c'est quand même étonnant que ça t'ait échappé. T'es dans ta bulle, là. Parce que même moi qui regarde pas les news tous les jours, j'y ai pas échappé. Je m'envoie à penser à sa mort, mais je l'ai appris moi aujourd'hui. D'accord. Tout à l'heure, mais ça m'a échappé. Bon. Mais tu voulais nous évoquer un autre chanteur. Mais c'est marrant que tu me dises ça parce qu'on a parlé de Rachida justement à l'instant pendant la pause musicale avec toi. Donc tu savais qu'il était mort à Aznavour. Non, je savais pas. Tu l'as appris là alors. J'ai appris là. Bon, tu vois que ça sert à quelque chose, Boomerang. Tu seras moins bête que ce matin. Aznavour, si je compare à Beko, pour moi c'était un con. Ça n'engage que tes propos, toi. Qu'est-ce qui te fait dire que c'était un con, Beko? Sur quoi tu te bases? Il n'était pas sympa dans ses émissions. Oui, après, on ne sait pas Charles Aznavour. C'est un grand musicien, si. Oui, il y avait une vraie gentillesse qui se dégageait de Charles Aznavour. Beko était plus cabotin. Il avait ce côté comme ça. Il envoyait chier le monde. Il avait tout ce qu'il voulait, il envoyait chier le monde. Bon, voilà. Tu l'as peut-être connu, qui sait? Non. Pour en parler aussi précisément. Non. Mais comme Claude François, il a toujours été dit qu'il était impulsif, caractériel, horrible. Des témoignages. Avec son personnel, ses danseuses, ses Claudettes. Des témoignages dans ses émissions de gens qui disaient qu'il était insupportable des fois. Bon, en tout cas, c'est vrai, ce qui se dégage de Charles Aznavour, ce qu'on peut en retenir en dehors de ses chansons, c'est qu'il n'avait pas une personnalité auto-centrée, qu'il avait une modestie par rapport à ses origines. Et comme lui naturel. Avait des complexes au départ et était très critiqué, c'est un chanteur qui n'aura pas de succès, il a une petite voix nasillarde, il est petit, il n'a pas de talent, il n'a rien. Il a été extrêmement cassé au départ. C'est vraiment Edith Piaf qui l'a. Il y a cette chanson qui. Alors que Lynn Renault ne s'est pas entendue avec Edith Piaf parce qu'elles se sont retrouvées en concurrence. Donc Lynn Renault a eu un contrat aux États-Unis et elles ne se sont jamais supportées. Puis comme Edith Piaf est décédée ensuite très rapidement et très jeune, du coup, quand Lynn Renault est revenue de Vegas, automatiquement elle a pu continuer. Mais il y avait cette jalousie avec Loulou Gasté, il y avait un trio un peu infernal entre toi. Donc les rapports changent, tu vois, d'un artiste à l'autre. C'est comme ça. On va juste poursuivre, rappeler juste à nos auditeurs qu'on parlait avant de Charles Aznavour d'un film brésilien dont tu nous parlais, ce qui s'appelle Une seconde mère, qui est sur la thématique du rapport des classes. Voilà, justement, c'est pour que les gens qui viennent nous rejoindre, peut-être sur l'émission, comprennent pourquoi on continue. Mais rapidement, 3-4 minutes, finir juste, parce que on enchaînera avec un autre film après. Oui, 3-4 minutes, oui. Alors, on t'écoute. Alors, en fait, si vous ne me coupez pas, ça ne durera que 3 minutes. Ça, on verra, si on a envie de t'embêter. Oui, vous avez le droit. Hein. Alors, poursuis ce film brésilien. Oui, je ne vais pas tout récapituler. Vous réécouterez l'émission. Jessica, donc la fille rue dans les brancards, elle va faire une école d'architecture à Sao Paulo et n'entend pas de cette oreille être domestiquée et perdre ainsi son indépendance. Alors il y avait deux raisons de regarder ce film, c'était la lutte des classes moyennes et l'affaire des générations. La troisième raison, c'est de voir une seconde mère, c'est-à-dire l'actrice qui fait, l'actrice Regina Casé a fabriqué elle-même le gâteau d'anniversaire pour se mettre en condition. C'est-à-dire que dans la scène où il y a la soirée d'anniversaire de la maîtresse de maison, c'est l'actrice Regina Carré qui joue la domestique qui a fait le gâteau. Ah ouais. C'est la réalisatrice qui l'a exigé pour être en condition de domestique. Alors d'ailleurs, la façon de filmer est tout à fait remarquable, car si les scènes près de la piscine sont nombreuses, la réalisatrice a choisi de ne filmer que dans et à partir de la cuisine. C'est-à-dire que tout le film se passe dans la cuisine, presque. Dans une scène, on aperçoit Barbara, donc la maîtresse de maison. Il y a la cuisine, et depuis la cuisine, il y a une porte, on voit une porte. Elle est derrière à la salle à manger. On la voit dans un bout de salle à manger. Celui qui donne sur la cuisine, évidemment, c'est comme, je ne peux pas expliquer trop. C'est un angle. Un angle, c'est un angle cinématographique pour expliquer. Voilà. Et donc celui qui donne sur la cuisine, on entend la conversation, on voit donc la maîtresse de maison, mais on ne voit pas les autres personnages de la salle à manger. On entend juste la conversation. La salle à manger n'est pas filmée. Tout se filme dans la cuisine. C'est typiquement dans le style portugais ou brésilien. Oui, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour montrer justement cet étouffement un peu. Donc, de tous ces caractères explosifs, le plus équilibré est sans doute Favinho. Hein. Alors lui, il est cool, il trouve aucun souci de se baigner avec la fille de la domestique dans la piscine. Il va même jusqu'à manger avec Val, c'est-à-dire que lui, il va prendre son petit déjeuner à la cuisine, quoi. Il adore Val, c'est sa nounou. Il voue à cette domestique un amour pour nounou, entre guillemets, parce que c'est compliqué les amours qu'on a avec. Alors finalement, ce qui t'a plu dans ce film, et je pense qu'autour de cette table, on sera d'accord, c'est cette transgression que le fils a, et la fille aussi de la famille domestique, à justement écouter leur cœur, plus que leurs conditions sociales et humaines. Quoi. Oui, oui. Hein, c'est ça qui est intéressant dans ce film-là, c'est de voir cette progression, et tous les effets collatéraux que ça va provoquer. Voilà. Ce rapprochement entre les deux parties, c'est-à-dire entre la famille du fils et la famille de la fille, quoi, qui ne sont pas dans le même plan social et hiérarchique. C'est très rigolo parce que Fabino, sa glace préférée, c'est la glace au chocolat, donc Val le sait, le met au frigo, et tout d'un coup, Jessica commence à manger dans le pot, elle lui arrache la glace en disant c'est la glace de Fabino. Tous des trucs absurdes, des choses qui n'ont... Donc c'est vraiment un film que tu as vraiment apprécié, que tu as vraiment goûté avec délectation, qui correspond peut-être aussi à ta vision des choses, d'une manière plus générale. Moi, je me sens un peu concernée parce que j'ai été nounou. Et c'est vrai que l'amour qu'on voue à une nounou, dans le film, il a 19 ans, c'est un adulte, mais il voue toujours cet amour à Val, il voue un amour de nounou sans borne, quoi. Il y a un moment, elle lui fait un câlin, elle lui caresse les cheveux. Et lui, ça ne le dérange pas du tout de manger à la cuisine. Ça me fait penser au film Titanic aussi, l'histoire, sans faire un parallèle, mais où il y a les classes différentes selon les hauteurs du paquebot, c'est-à-dire au fond, vers les cales, c'est les classes les plus pauvres, et plus on monte sur les ponts et sur les hauteurs du navire, plus c'est les classes riches et tout ça. Et au moment où le bateau chavire, on voit justement que les riches ferment les grilles pour que les pauvres coulent en premier parce qu'ils sont en bas de... Et l'eau passe par... Finalement, l'eau est rentrée par le flanc du bateau. Et ça, ils avaient n'avait pas prévu, puisqu'il y avait des portes dans le, oui, dans le paquebot qui devaient se fermer les unes derrière les autres, mais à condition que l'eau rentre par la proue. Et le problème, oui, c'est que l'eau est rentrée, le paquebot a été déchiré sur le flanc par l'iceberg, et donc l'eau est rentrée sur le côté, donc les portes servaient à rien, et le bateau a gité très vite et a coulé. Et donc, c'est ces gens-là, finalement, qui ont été écrasés en premier. Et l'histoire du personnage de Leonardo DiCaprio et de la jeune femme, elles, ils ne sont pas de la même classe, tous les deux, mais pourtant, ils s'aiment. Oui, oui. Et finalement, lui se sacrifie à la fin pour la sauver, elle, sur le débris. Mais on est un petit peu toujours dans ce registre de, finalement, du rapport amoureux, de, que deux êtres peuvent se rapprocher, même s'ils sont totalement opposés par leur classe sociale et leurs conditions. C'est le cas de Val et de Favigno. Ça, c'est vrai que ça parle, je pense, c'est très cinématographique comme sujet, ça, au niveau émotionnel. C'est vrai qu'il y en a eu plusieurs des Titanic. Moi, en tout cas, c'est un film que tu recommandes, on peut dire ça. Ah oui, et donc c'est peut-être pour ça que ça s'appelle Seconde Mère. C'est de 2015, donc. De 2015. Nous rappeler peut-être la réalisatrice. Oui, c'est Anna Mulera. Voilà, j'ai peut-être redonné son... Bon, après, les gens regarderont une seconde mère. Anna, comme ça s'écrit, Anne, 2-S-N-A, M-U-Y-L-A-E-R-T. Oui, d'accord. Faut écrire... Tu penses qu'il est en DVD, déjà, qu'on peut le... Moi, je l'ai vu. Alors, justement, comme je voulais dire tout à l'heure, j'en avais parlé hors antenne, souvent, les films que je présente, ils repassent à la télé. Ou on peut les voir télécharger peut-être aussi légalement, enfin voir, aussi. Enfin, replay ou replay. D'accord. Segundino, un dernier mot. À propos de film brésilien, je me souviens d'avoir vu un film français tourné au Brésil avec des jeunes des favelas, les jeunes violents des favelas, et il a eu une palme d'or à Cannes, c'était en 82, je crois, ou 81, je ne me rappelle plus. Oui. Je l'ai vu, ce film, j'ai su après, je ne sais plus comment, que tous les jeunes qui avaient servi pour le tournage étaient vraiment des jeunes des favelas, et au jour d'aujourd'hui, ils sont tous morts. Ah ouais. Tués par les brigades noires. Oh là là. Alors, les jeunes, ça donne une dimension, du coup, au film encore plus grande. C'était vraiment des voyous qui, comme on les appelle là-bas, des bandits. Des truands, Les plus jeunes avaient 9 ans. Hein. Les plus jeunes avaient 9 ans. Mais il s'appelait comment, ce film? Pixote. Pix-H-O-T. Ouais. Voilà. Et pas de H. Ah, il n'y a pas de H. Pixote. Et on le trouve à la médiathèque. C'est un film qui date déjà. Mais c'est un film français. Mais il y a des chefs-d'œuvre comme ça qui ne sont pas forcément connus du grand public et qui sont des films très typés, très ciblés d'une époque bien précise, sur un thème bien précis, comme il y aura des films sur les migrants, je pense aussi. Ça commence déjà d'ailleurs. C'est violent et puis ça ça ne nous met pas dans une... On est dans une... pas un film d'action, on est dans une véritable histoire. On est sensibilisé par ce qui se passe ailleurs et par ce qui se passe là-bas. Et on ne peut pas se projeter à la place des personnages. Viens devant ton micro. On peut pas se projeter à la place des personnages. Âme sensible, s'abstenir. D'accord, donc si les gens veulent voir ce film-là, c'est quand même un film parce qui est assez dur. Il y en a qui sont tellement pourris dans le film, faut voir. Ouais, jusqu'où peut aller la perversité, la méchanceté. Jean-Baptiste, tu parlais de films pour migrants, il y a celui avec Vincent Lindon. Oui, ça commence déjà. Comment il s'appelle, ce film avec Vincent Lindon où il veut partir en Angleterre à la nage, plus le titre en tête. Mais de toute façon, le cinéma ouvre les yeux quand même. C'est un support artistique qui est le reflet. Les réalisateurs, c'est une création, bien sûr, un film, mais il part toujours, cette création du réalisateur, de la réalisatrice, part toujours de quelque chose de vrai qui se passe dans le monde, dans la société, dans les sociétés, et après on bâtit un scénario, une histoire avec des rebondissements à partir d'un sujet qui est la réalité. Donc après, évidemment, il y a des films, je pense à un film de... des films plus noirs, plus glauques, qui sont vraiment underground et tout ça, ou qui sont moins ancrés dans la réalité, même pas forcément que des films américains, mais c'est vrai que, par exemple, un film Shining, par exemple, c'est un film qui parle un peu de la schizophrénie, qui parle de choses comme ça, qui sont des choses, effectivement, qui partent de quelque chose de réel, mais après, on part dans un délire complet, puisqu'on est dans la peau, on a des hallucinations, tout ça. Enfin, c'est, donc là, on est vraiment dans une œuvre cinématographique. Shining, c'est d'après Hitchcock. Oui, avec Jack Nicholson. Kubrick, hein. avec Kubrick, par Kubrick. Dans un hôtel, avec les... Ouais, où il y a tout un après. Bon. C'est... Je veux dire, c'est la Hitchcock avec Mark Kubrick. C'est pas tout. Ah, Marcus. Ouais, je suis désolé, il n'y a rien à voir avec Hitchcock. J'ai pas été le voir. Non, parce que Hitchcock, lui, il n'a pas du tout fait ce type de cinéma. Et il a fait des films à angoisse. Oui, mais c'est pas du tout le même film que j'évoque, Shining, par exemple. Shining, j'ai vu des extraits, j'ai pas vu complet. C'est Stanley Kubrick. Oui, non, Hitchcock, c'est du suspense. C'est pas du tout le même genre. Jean-Baptiste, c'est Stanley Kubrick, Shining. Ouais. Non, Hitchcock, c'est déjà des films un peu encore avant Stanley Kubrick. Hein, c'est les années 50. Il a beaucoup fait tourner Grace Kelly. Grace Kelly, ça a été sa muse. Bon, Tippi Hedren, des actrices comme ça. Qui continuait. Dans un genre les oiseaux, tu sais, là où tu as, ils courent. Oui. Voilà. Je pensais que Kubrick continuait dans un genre avec pas du tout le même genre. Non, Marcus, dans un genre plus violent, mais Mais c'est pas les mêmes genres. Pas. Ce sont deux genres de cinéma différents. Hitchcock a travaillé plus sur le suspense et la peur, tandis que l'autre, on n'est pas du tout dans Kubrick. C'est bon. Les films de Hitchcock, c'est vraiment des films qui sont sur la peur, sur le côté comme ça, sur le suspense, mais qui ont encore leur effet, hein, d'ailleurs, 50 ans après, hein, quand on regarde. Mais alors, toi, Jean-Baptiste, tu vois la différence dans Hitchcock, la peur, et Shining, il traiterait quoi, la peur aussi, mais pas pareil. Non, mais c'est pas sous le même angle, c'est comme Orange Mécanique, plutôt on travaille sur la perversion, on travaille sur les névroses humaines, on travaille sur le monde inconscient, on travaille, et puis il y a tout un imaginaire de mise en scène qui t'emmène comme ça dans le cerveau de quelqu'un qui n'est pas équilibré, qui est fou, et ça va très loin, donc c'est un film qui est très dérangeant, qui peut déstabiliser un équilibre psychique, rien qu'en se plongeant dans le film. Donc ça n'a rien à voir avec un film de suspense que Hitchcock a pu... D'ailleurs, il a fait une belle carrière. Et d'angoisse. Bon, Et d'angoisse, voilà. Ils sont quand même proches tous les deux dans la peur, quoi. Oui, mais c'est pas sur les... Ils s'appuient pas sur les mêmes ressorts. Voilà, du d'accord. Tout. Et le résultat esthétique des films ne sont pas du tout les mêmes. Il n'y a pas d'équivalence. D'accord. Ouais. Voilà. On va se faire une deuxième pause musicale avant d'entamer sur un film américain que tu vas nous expliquer, nous faire découvrir. On va s'écouter Leonard Cohen, Alléluia. On se retrouve tout de suite après. Now I've heard there was a secret chord that David played. And it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. I don't even know. if I did, well really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Gémozo dans l'émission Boomerang. On se tourne progressivement vers la dernière demi-heure de notre émission. On parlait d'un film brésilien précédemment, on a évoqué Charles Aznavour, plein de choses dans Boomerang. Et on part sur un film américain, Félicie, maintenant. Oui. Les gens pas comme les autres. Les gens comme les autres. C'est l'inverse, voilà, oui. Autant pour moi. Mais tu disais tout à l'heure que le vrai cinéma, ce sont des choses qui arrivent de vrai dans le monde. Et malheureusement, effectivement, là, c'est un drame. C'était le premier film de Robert Redford, son tout premier. Qui a une belle carrière d'acteur. Voilà, il a une belle carrière d'acteur. Et du coup, ben, il l'a fait en 1980. Il a eu l'Oscar du meilleur film et la nomination de la meilleure actrice. Donc voilà de quoi il s'agit. Alors fais-nous découvrir ce film. Oui, une famille aisée, les Jarrettes, se disloquent suite à la mort du fils aîné Buck, qui s'est noyé lors d'une sortie en bateau avec son frère Conrad. La mère, Bess, refuse d'en parler et choisit de maintenir la façade d'un faux bonheur. Le fils cadet va mal. Tout le monde va mal en fait. Culpabilité, dépression, tentative de suicide de Conrad, narcissisme de la mère. Il va 4 mois à l'hôpital après la tentative de suicide et réintègre l'école. Mais il quitte la natation où il était excellent et sa mère l'apprend par hasard et elle n'est pas du tout contente. Alors moi j'ai une première idée qui me vient par rapport à ce que tu viens de nous exposer sur le thème du film. Là on est effectivement dans une famille qui était plutôt aisée et il y a un drame qui vient éclabousser cette famille-là. Et c'est vrai que tous les psychologues diront qu'il y a deux cas de figure, soit la famille explose quand il y a un drame comme ça, soit ça réunit encore plus et ça ressoude une famille, un couple qui a subi la perte d'un enfant, quelles que soient les conditions. Donc là apparemment ça l'a fait plutôt exploser et ça révèle des réactions, des personnalités en tout cas peut-être qui étaient cachées avant de chacun des protagonistes. Ben oui, parce que en fait y a le père, le gamin va voir un psy et il s'en sort plutôt mal et plutôt bien et le père Mal ou plutôt bien, plutôt bien. D'accord. Plutôt bien. Et en fait le père va voir le père arrive un jour à reprocher à sa femme de ne plus rien ressentir, d'être froide. Et il va voir le psy Et finalement, à la fin, bon, je vous donne un peu les cordes de la fin, ça se fait pas, mais... Non, laisse-nous un peu le suspense. Oui, il y aura quand même un réattachement de... Ah. Il y aura un réattachement. Bon, pas tout le monde. Tu dis les familles se disloquent ou elles se... Ou ça les soude plus, ça ou dépend. Ça les soude plus. Là, c'est un peu... C'est à moitié. En fait, il y a quelqu'un qui part et deux qui restent, quoi. Première réaction, voilà. C'est Gondino. Je sais pas. Sur le thème. Sur l'accident d'un enfant, par exemple. Sur le thème, en général, qui est évoqué à travers le film, même si tu ne l'as pas vu. C'est quelque chose qui peut nous toucher tous, si on a des enfants, des exemples. Le fait divers d'ici, l'affaire Grégory. Oui, par exemple, ouais, c'est un bon exemple, effectivement, qui a toujours lieu. Hein, On en parle plus. Bon, là, ça touchait en plus à deux familles qui étaient dans la haine. Deux familles de l'autre. Et ça a pulvérisé tout. Depuis 35 ans, c'est sûr, et c'est toujours pas élucidé. Et là, effectivement, on est dans un... Mais on peut quand même dire que le couple Villemain est resté uni dans cette épreuve-là. Oui, oui. Puisqu'ils sont toujours ensemble. Je sais pas. Ils sont toujours ensemble en région parisienne. Ils ont une soixantaine d'années maintenant. Et ils veulent toujours savoir la vérité. Ils sont toujours dans une action, une énergie, 35 ans après. Ça, j'apprends qu'ils sont toujours ensemble. Ah oui, oui. Jusqu'à la fin de leur jour, ils voudront savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ils ont raison. Et ils ont continué leur vie. Ils ont eu trois autres enfants qui sont adultes aujourd'hui, qui ont tous fait des études. Ils ont raison de se battre pour savoir ce qui s'est passé. Et ils ont ramené... Ils ont ramené la dépouille de Grégory en région parisienne. Il a été incinéré, il a été ramené. Je ne veux faire aucune avancée, je ne suis pas policier du tout. Mais peut-être qu'ils le savent ou qu'il y en a un des deux qui le sait. Non, je pense pas. Je pense que de toute façon, il y a des gens encore vivants. C'est pas un accident. Je pense qu'il y a des gens encore aujourd'hui vivants qui savent la vérité. Le problème, c'est qu'à partir de 35 ans, quand les gens sont taiseux et noués en eux, c'est très compliqué de les faire parler. Et plus le temps passe, plus les choses sont enfermées. Après... il y a des fois des cas de figure où les gens avant de mourir veulent se libérer d'un poids, d'un secret et divulguent des choses. Bon, pour l'instant, ça n'a pas été encore le cas. Puis il y a quand même des gens qui sont morts dans l'histoire aussi Lambert, depuis. Lambert qui est mort. Oui, puis Laroche qui a été la deuxième victime après Grégory. Dernièrement, un qui a. Ah ben le juge Lambert, il y a un an et demi, deux ans. C'est que l'affaire se remet en cause alors que. Lui, il avait, annulé l'interrogatoire de Muriel Boll du fait qu'il était trop jeune et puis qu'il avait été mal fait. L'interrogatoire avait été mal fait. Aujourd'hui, il remettait en cause l'interrogatoire de Muriel Boll pour dire, oui, elle sait la vérité. Oui, puis de toute façon, lui... C'est poulet du vêteux, tout ça. Il n'était pas fait pour être juge, ce gars-là. Il était trop jeune. Alors, ils l'ont mis à Épinal parce qu'à l'époque, à Épinal, dans les Vosges, il ne se passait pas grand-chose au niveau des faits divers. Il traitait des dossiers courants. Et puis voilà, il y a ce fait divers, enfin qui est plus qu'un fait divers, qui est un véritable drame qui se déroule. Et c'est vrai qu'il a pas su faire face du tout. Il était trop jeune, il était trop affable notoriété, puisque il a pas respecté le code non plus. Il a bien géré l'affaire de Muriel Boll quand elle a été interrogée. Elle est aussi sensible. Il l'a relâchée dans sa famille sans la protéger, sans rien. Elle a fait des erreurs énormes. Mais écoute, elle a 15 ans, elle se retrouve face à un infanticide, on lui fait dire ce qu'on veut, bien lui sûr. Font dire ce qu'ils veulent, lui font dire écrire ce qu'ils veulent et signer ce qu'ils veulent. Lambert l'a compris, c'est qu'il a bien géré le truc pour moi. Oui, mais il l'a relâché dans sa famille après sa déposition, alors qu'elle pouvait être exposée justement parce qu'elle avait comme balancé son beau-père. Donc c'est là où elle a balancé n'importe qui, tu faisais dire ce que tu voulais. Dépassionnons les choses. T'es émotive à l'âge d'un, surtout un crime aussi grave, tu dis n'importe quoi si on te fait dire n'importe quoi. Surtout le pouvoir policier qui est supérieur et qui est, dominant dans l'interrogatoire, écrasant, étouffant, persécutant. Tu lui fais dire ce que tu veux. Mais tu ne m'écoutes pas, je suis d'accord avec toi, mais moi je suis en train de te dire autre chose. C'est que Lambert, qui n'avait pas d'expérience, qui n'a pas respecté non plus le code judiciaire à l'époque, il n'aurait pas dû dans dans la déontologie, la relâcher. Il aurait dû la protéger, cette gamine, parce qu'elle, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est retournée dans sa famille après, il y a eu quand même des trucs assez glauques. C'est normal pour qu'elle se rétracte deux jours après. C'est quelque part, elle a subi des pressions, cette gamine. Ben, bien sûr, c'est normal que des innocents accusés. Mais je ne dis pas que ce n'est pas normal, mais lui, il a fait une erreur. Qu'elle a dit, qu'ils vont pas cesser de faire. Pourquoi Muriel a-tu fait ça? Mais n'importe qui lui aurait demandé des comptes. Après, on n'est pas juge, on n'a pas été sur l'affaire à l'époque. Ça, c'est seulement nos informations qu'on a et notre propre interprétation. Non, parce que moi, je vais en revenir. Son exemple n'est pas mauvais, dans le sens où, dans cet exemple-là, eux, les parents sont restés unis dans ce drame-là. Donc, on est bien dans le sujet du film. Mais il y a quand même eu un éclatement de la famille d'une manière plus large. C'est toujours malheureux. Donc, il y a eu les deux, quand même, les deux cas de figure dans une même famille. Oui, puis récemment, il y a les grands-parents qui sont revenus. Donc, on est vraiment dans le sujet. Il y a les grands-parents qui sont revenus sur le tapis, là où. Ben voilà, c'est pour ça. Ben oui, oui. On n'en sort pas, quoi, tout le monde. Après, on ne va pas refaire le procès. De toute façon, l'affaire est toujours en cours. Je crois que Scotland Yard. C'est un énorme. À l'époque, Scotland. Fiasco judiciaire. Scotland Yard regardait ça de loin et avait accusé les flics. Eh ben, on fera une émission, justement, tu te documenteras et puis tu nous feras une chronique peut-être dans un prochain boomerang. J'ai lu là-dessus, j'ai parce que ça a l'air de te passionner. Mais c'est intéressant, judiciairement parlant. J'ai lu deux livres là-dessus. Un de. Je ne sais plus comment il s'appelle, un animateur télé. Et une journaliste qui est amie avec les parents, qui a écrit un livre. Celui que j'ai lu, c'est un animateur télé qui raconte les dépositions de Christine quand elle se fait accuser. Oui, oui. Et comment dire. Et j'ai lu le petit juge. Donc, procédure, il racontait qui a fait ses études. Non, mais on est complètement d'accord, c'est Bonino. Mais moi, je rajouterai, et on conclura là-dessus, que de toute façon, les médias ont aussi merdé à l'époque. C'est des choses qui ne pourraient plus arriver aujourd'hui. Il n'y avait pas de périmètre de sécurité au niveau, quand ils ont reconstitué pour retrouver le corps et tout ça. Il y a eu un tas de tout a cagué, on va dire. Ça a été un fiasco du début à la fin. Le juge qui a suivi, il a été beaucoup plus méticuleux, parce qu'il avait beaucoup plus d'expérience, mais il est mort d'une crise cardiaque parce que ça l'a aussi, au bout d'un moment, tellement claqué, fatigué qu'il en est mort. Et ainsi de suite. Et après, ça a été. Alors maintenant, on a l'ADN, on a des systèmes informatiques qui permettent de regrouper des informations. S'il te plaît, Jean-Baptiste. Voilà, donc c'est. Je ne pourrais même pas. Je ne pourrais même pas faire un débat là-dessus parce que moi, à l'époque. Et j'étais dans le gaz total et j'arrivais pas à suivre ce qui se passait. J'ai commencé à essayer de suivre, comprendre que parce qu'ils ont parlé plus tard ultérieurement. Beaucoup plus tard quand j'ai lu ce livre de l'animateur qui racontait les comment dire les accusations sur Christine et sur La Roche. D'accord. Donc Muriel Boll n'était pas mise en cause dans son livre, il n'en parlait pas. Et donc j'ai lu, et si c'est pas des mensonges, j'ai mon idée, mais je ne la. Oui, de toute façon, il y a une non maîtrise. On va dire qu'il y a une non maîtrise les deux premières années du juge Lambert. Après, il y a eu aussi un emballement médiatique aussi où les journalistes se retrouvaient à fréquenter les Villemains chez eux et ils leur faisaient dire ce qu'ils avaient envie de dire. Il y a eu toute une récupération qui n'existerait plus aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus encadré. Les journalistes rentraient en douce chez eux. On va avancer peut-être dans l'émission. Magali, j'aurais voulu avoir ta réaction sur le film, sur le fait justement d'une famille, qu'elle soit aisée ou pas, avec un enfant qui meurt. Est-ce que ça peut créer comme dommages collatéraux Comme tu disais, ça peut les ressouder ou détruire une famille. Bon, moi, je dis toujours la perte d'un enfant ou d'un papa, d'une maman ou n'importe quoi, c'est toujours triste. Mais je pense là que dans le film, ce qu'ils expliquent bien aussi, c'est que quand c'est triangulaire, c'est. Enfin, moi, je me suis mis dans la tête quand c'est triangulaire, que quelqu'un va mal, que les trois souffrent en fait. C'est vrai. C'est plus difficile. Je suis d'accord. C'est plus difficile que le carré. Oui. Parce que quand il y a quatre personnes dans une famille, qui a un carré, il y a toujours. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Voilà, parce qu'il y a deux par deux. Que ce soit une grand-mère ou moi, par exemple, j'étais avec mes parents. Il y avait moi et ma grand-mère. Oui, je comprends. On peut créer un binôme et de soutien. Parce que quand on est à trois, il y en a forcément un des trois qui peut être lésé si les deux autres font le deuil. Parce que chacun ne vit pas le deuil de la même manière et l'événement de la même façon. Alors, soit on a un tempérament à s'isoler et à faire le deuil dans son coin et à ne pas vouloir partager sa douleur avec les autres. Et là, c'est plus compliqué. Soit on le partage en famille ce deuil et là on peut effectivement mettre des mots sur les mots MAUX, mettre des mots MOT sur les mots MAUX et peut-être avoir une autothérapie. Mais après, c'est pas évident. Chacun a une façon différente dans sa personnalité de réagir à un drame comme ça. Dans ce film, on voit vraiment la différence de comment ils font leur deuil. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Vraiment, ils ne le font pas du tout pareil. La mère se rétracte. Elle veut que tout soit beau depuis l'extérieur. Lui, il ne voit plus ses copains, ses copines. Sa petite copine, elle se suicide, il replonge. Mais bon, à la fin, il y aura quand même un entre-attachement profond entre le père et le fils. D'accord. Qui fera qu'ils arriveront à se... mais elle va payer. Elle va payer. Parce qu'en fait, quand il va chez le psy, le père, il fait une seule visite. Il va voir le psy et il s'aperçoit que sa femme Bess, elle a un énorme rôle dans le dysfonctionnement de la famille. Donc il va se passer ce qui se passera, vous verrez. Oui, et puis dans ces genres de drames qui touchent à une famille, où il y a comme ça un espèce de tsunami qui se produit au milieu d'une famille, c'est vrai qu'on a à gérer sa propre souffrance. Déjà nous-mêmes, après on a aussi des gens autour de nous qui restent, qu'on aime aussi, et qu'on voit souffrir aussi, et peut-être pas réagir comme nous. Alors est-ce qu'on a la capacité à ce moment-là, parce qu'il faut déjà qu'on gère notre propre souffrance, à pouvoir avoir une empathie ou même de la compassion pour d'autres membres de la famille qui sont liés au même drame que nous? C'est très compliqué à gérer, et c'est vrai que des fois une tierce personne, un thérapeute, un psychologue, peu importe, quelqu'un qui n'est pas engagé d'une manière affective, qui est vraiment en dehors, peut aider et sortir peut-être de la tête de l'eau. Après, il y a le temps aussi qui fait beaucoup. Dans le film, le psy aide beaucoup. Un deuil, ça passe par plusieurs phases. Il y a la sidération, après il y a la colère, après il y a la révolte, après il y a, je dirais, l'acceptation. Et puis ensuite, une fois qu'il y a l'acceptation, après, c'est qu'on intègre la personne qui est partie, quelle que soit la raison, et on vit avec, mais on n'a plus de souffrance au quotidien. On est dans l'idée du souvenir, plus c'est de la mémoire. On dit souvent, les gens sont dans notre cœur parce qu'on a fait un travail de deuil. Après, ça peut durer des années selon comment ça s'est passé, selon la nature de la personnalité et selon comment elle a été entourée et comment elle s'est entourée aussi. Mais ce film est certainement très intéressant. Après, c'est un prisme, je dirais, ce film. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs angles qu'on peut aborder. Oui, c'est un peu comme un Rubik's Cube, en fait. C'est ça, exactement. C'est une belle métaphore. Il y aura des côtés verts, des côtés rouges, des côtés jaunes, puis des fois où tout va être emmêlé, du jaune, du bleu, du vert. En tout cas, deux super films. Moi, ça m'a donné envie de les voir. Je les connaissais pas. J'ai vraiment envie de les découvrir. En tout cas, voilà. Alors, on va encore se faire une petite pause musicale. Et puis, dans le dernier quart d'heure, tu nous parleras de la programmation cinématographique de Remiremont. Voilà. Alors, on va s'écouter un thème de Michel Polnareff. Michel Polnareff est quand même très connu, une belle carrière aussi. Lipstick, chanson de film, une instrumentale. Thank you. Lipstick de Michel Polnareff, thème musical qu'il avait dû composer dans les années 76-77 dans ces zones-là, et tiré évidemment, bien sûr, musique de film qu'il avait. C'était une musique de film qu'il avait donc composée pour ce film-là. Voilà. Et pour quel film c'était? Lipstick. Lipstick, voilà. D'accord. Qui se passe à New York. Alors, on enchaîne ces 10 dernières minutes avec la programmation cinématographique. On reste dans le cinéma avec Félicie aujourd'hui. Oui, programmation cinématographique oui, de Remiremont. Je vais vous tenir... Qu'est-ce qui sort en salle, ma chère Félicie? Alors, ben, je voulais rappeler quand même qu'il y a vendredi 12 et vendredi 19 du cinéma portugais à... Oui, tu nous en avais parlé il y a 15 jours. Ouais, voilà, je vous en avais parlé. Donc, il y aura la dernière séance, ce sera le 19, le vendredi 19 à 20h. Il y aura une séance encore, Manina, une séance vendredi 12 à 20h aussi. Et il y aura deux dates qui seront remises, ils ne savent pas encore trop quand. Mais si vous êtes intéressé par le cinéma portugais, vous pouvez réécouter l'émission d'il y a 15 jours ou vous présenter au cinéma pour en savoir plus. D'accord. Alors, moi, je suis allé voir, tiens, entre parenthèses, grâce à toi, l'exposition du Haut du Taux avec les photographies. Oui. J'ai adoré. C'est magnifique. C'est magnifique. Hein. Magnifique. Magnifique. Ouais. C'est jusqu'à novembre. Hein. Vous pouvez encore profiter du mois d'octobre. Là, on a encore de belles journées. Et puis en plus, voilà, on a des belles journées début d'automne sur le massif vosgien. Et avec 20-25 degrés, il fait des températures le jour qui sont agréables. Le Haut du Taux, c'est un petit peu plus en montagne. Oui. Et on est dans la verdure. Mais bon, c'est quand même encore. C'est très agréable. Il faut en profiter. C'est une très, très belle exposition. C'est vrai que. Sur le Tibet, on avait dit, puis les animaux, les personnes. Alors, les films aussi, dehors de la programmation portugaise. Alors, au cinéma, sinon, il va y avoir donc de la science-fiction. Ah, génial. Alors, c'est un film de Ruben Fleischer qui a fait Bienvenue à Zombieland. Oui. Moi, j'ai pas trop aimé. Moi, je suis pas trop. Bon, c'est le film de genre après. Je suis pas très connaisseuse de tout ça, mais bon, c'est avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Woody Harrelson. J'ai vu les bandes annonces. Alors, je vais vous dire ce que c'est. Cela fait longtemps que la journaliste Eddie Brooke tente de révéler au grand jour les jaillissements du célèbre Carlton Drake, le génial fondateur de Life Foundation. Et cette obsession lui a coûté sa carrière et son couple. Alors qu'il enquête sur l'une des expériences de Drake, une forme de vie extraterrestre nommée Venom, celle-ci fusionne avec lui. Désormais doté d'incroyables super-pouvoirs, Eddie est capable d'accomplir pratiquement tout ce qu'il veut. Sombre, tortueux et imprévisible, Venom est animé par une rage absolue, ce qui oblige Eddie à lutter de toutes ses forces pour essayer de contrôler les redoutables capacités qui sont les siennes. C'est-à-dire que, oui, je comprends, il fusionne avec un extraterrestre et du coup, l'extraterrestre, comme il ne sait pas se contrôler... Eh ben, c'est Eddie, la personne qui est obligée de se contrôler à sa place, de canaliser la partie de l'extraterrestre qu'il a en lui, voilà. Alors, ça me rappelle un fait divers, cette histoire-là, un fait divers qui s'était passé, enfin qui était un truc monté de toutes pièces à la fin des années 70, l'histoire de Franck Fontaine à Cergy Pontoise qui avait été enlevé par des envahisseurs. En fait, c'était un coup monté par une bande de copains qui vendaient sur les marchés. Il avait été enlevé aussi dans sa voiture avec des boules de feu autour. Tu te souviens de cette histoire? Non, je me souviens, moi j'étais tout petit, mais c'est marrant, ça m'a marqué parce que quand je m'intéresse à tout ce qui est ovni, tout ça, extraterrestre, et c'est un petit peu dans cette... Enfin, Eddie et Venom ont besoin chacun l'un de l'autre pour atteindre leur but. Et plus le temps passe, plus ils deviennent indissociables. Combien de temps Eddie sera-t-il encore lui-même? C'est de la science-fiction, mais ça a l'air intéressant parce qu'en fait, c'est deux personnes qui fusionnent. C'est un peu ça. À voir, à découvrir après, pourquoi pas. Alors, ça y est, rencontre avec la réalisatrice Cristina Pinheiro. Le vendredi 12 octobre à 20h. Donc, c'est le film dont je vous parlais il y a 15 jours. Menina, c'est une comédie dramatique. Reprononce-le nous, Segundino, au micro, tu le prononces tellement bien. Menina Ndake. Ah non, c'était mieux l'autre fois, je trouvais. Menina Kumbaïsko. Ah voilà, super. Il n'y a que Segundino qui peut le prononcer comme ça. T'as pas eu d'auditrice qui ont frappé à ta porte, non? T'es encore pas une star à Radio Gamozo. Il en prononçait un mot d'une manière aussi lascive. Peut-être une petite mamie qui aurait taqué à sa porte. Et ouais, voilà, voilà. C'est un cœur tendre, en fait. Écoute ce que dit Sacré... Magali, elle dit, c'est pas une petite mamie qui a donné ma bourse. Ouais. Qui s'est barrée des maisons de retraite. Mémé, bon, après, il y a des belles petites mamies. Ah oui, bah oui. Bon. Oui, donc, Ménina, excuse-moi, Secundino. C'est une comédie dramatique de Cristina Pinheiro, je vous en avais parlé. Mais Louisa a 10 ans et vit en France avec ses parents portugais. Mais c'est plus la génération des parents qui sont arrivés. Hein. Si sa mère s'est accommodée à sa vie, on existe à dire, c'est maintenant, c'est pas quand les Portugais ont commencé à arriver dans les années 70. Je tenais à le préciser. Louisa a 10 ans, elle vit en France avec ses parents portugais. Si sa mère s'est accommodée à sa vie en exil, son père veut retourner au pays. Louisa adore son père qui l'emmène faire des balades sur sa moto rouge. D'accord, tu as nommé le titre et tout ça. On va peut-être, si tu as d'autres films encore, comme il nous reste quelques minutes. Ouais, ok. Alors, j'ai un biopic qui s'appelle Dovlatov, qui est un drame de Alexei German J.R., qui a fait Soldat de papier. Bon, les acteurs sont pratiquement inconnus, enfin, ils ne sont pas connus de moi. C'est Union soviétique, 1971, 6 jours dans la vie de l'auteur Sergueï Dovlatov, alors journaliste pour des magazines au service de la propagande du régime. Voilà. Donc c'est 6 jours dans la vie de l'auteur Serge Dovlatov, alors journaliste pour des magazines au service de la propagande du régime. Et c'était en URSS en 1971, c'est un biopic du journaliste là. D'accord. Un dernier film un ou deux encore ? Alors, Les Frères Sisters, il y a un western, c'est un western de Jacques Audiard. Ah ! Un prophète, de rouille et d'os, bon, on le connaît quand même bien. Riz Ahmed, encore, c'est cet acteur qui joue aussi dans Venom. Charlie et El Sister évoluent dans un monde sauvage et hostile. Ils ont du sang sur les mains, celui de criminel, celui d'innocent. Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer, c'est leur métier. Voilà. On va dire ça. Hein. Il y a un film d'animation pour les enfants qui a l'air rigolo. C'est Dilili à Paris. Dans le Paris de la Belle Époque. Oh, moi j'aimerais bien le voir ce film. Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d'un jeune livreur en triporteur, la petite Kanake Dili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes extraordinaires qui lui donnent des indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers. Les mâles maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre ensemble. C'est mignon. Bon, en tout cas, nos auditeurs auront le choix et puis peuvent retrouver toutes les infos sur le site. Et les deux enfants là qui luttent avec entrain tous les deux pour une meilleure vie, je trouve c'est chouette. C'est un film à montrer à vos enfants. D'accord. Allez, il nous reste une ou deux minutes. Je voulais me tourner vers Magali qui nous est revenue, qui nous a fait la gentillesse d'être présente aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous conseillerais de manger en ce temps d'automne ? Ah oui, champignons. Bon, on peut encore faire des bonnes petites salades là. Ouais. Je sais pas, une salade de tomates avec des œufs, un peu de thon. Sympa, pour rester un petit peu sur l'été. Oui, voilà, parce qu'il fait encore beau. Ouais. Manger léger, on peut encore manger léger à cette époque, parce que manger encore des trucs lourds maintenant. Avant d'attaquer les raclettes, les tartiflettes et compagnie. Ça sera plus vers le novembre. La choucroute. L'été dernier, oui, on aurait pu parce qu'il faisait un peu plus froid. Oui. Mais là, il refait meilleur, il annonce du beau encore jusqu'au moins dimanche. D'accord. Manger léger, tranquille, un bon petit dessert. Mais Magali, tu as bien raison. On pourra reparler dans Boomerang prochain de ce qu'on peut manger parce qu'il y a les champignons qui arrivent. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup des champignons. Puis les noix pas fraîches. Trop, les noix fraîches. Les noix fraîches. Eh bien, on en parlera dans un prochain numéro. Ouais, ouais. Eh bien, on referme la page de ce Boomerang. Je remercie en tout cas vous trois d'avoir participé à cette émission. Une petite pensée aussi pour Dominique et Pascal. Voilà ce qu'on disait en début d'émission. Et pour Harald bien à eux. Aussi, Harald. Et puis Harald. Oui, si tu nous écoutes, Dominique, un petit coucou de tout le monde. On espère qu'ils nous reviendront très vite pour venir grossir le flot de Boomerang. Oui, on remercie Marcus à la technique. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours, même lieu, même heure, en direct. Et cette émission sera donc rediffusée mardi à partir de 9h. Et vous pouvez la retrouver dans les 15 jours dans la rubrique émission et rediffusion. Non, c'est le mardi à 9h maintenant. Voilà. À bientôt à tous. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Que voy a hacer, je suis perdu. Que horas son, mi corazón.